nommer quelqu'un polythéiste lorsqu'il commet du polythéisme avant l'établissement de la preuve, iqamat al-hujja. Question posée par téléphone à Abdelaziz ibn Abdullah al-Rajihi. Question. Il y a une fatwa du comité de permanence des grands savants d'Arabie Saoudite qui dit: toute personne qui a cru au message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et au reste de ses lois, et qui après cela se prosterne pour un autre qu'Allah, comme pour l'habitant d'une tombe ou un wali, ou le shir d'une voie soufie, il est alors considéré mécréant, apostat de l'islam, associant à Allah un autre qu'il adore, même s'il prononce les deux attestations lors de sa prosternation pour un autre qu'Allah, dû au fait qu'il commet ce qui annule cela en se prosternant pour un autre qu'Allah. Cependant, il se peut qu'il soit excusé pour son ignorance. De ce fait, on ne lui applique pas la sentence tant qu'on ne lui a pas appris et que la preuve ne lui soit établie et qu'il ait été, durant 3 jours, exhorté à se rétracter dans le but de lui accorder un retour au pardon afin qu'il se repentisse. S'il persiste après cela à se prosterner pour un autre qu'Allah, on le met à mort pour son apostasie. Donc l'explication et l'établissement de la preuve se font pour lui accorder de se rétracter avant d'appliquer la sentence et pas pour le nommer mécréant après que l'explication lui soit faite. Au contraire, on le nomme mécréant pour sa prosternation pour autre qu'Allah, ou pour le vœu qu'il a fait dans le but de se rapprocher d'un autre qu'Allah, ou le sacrifice d'un animal pour autre qu'Allah. Fin de citation. Fatwa numéro 4400 du comité des grands savants, signé par le Cheikh Abdullah ibn Qu'oud, Abdelrazak al-Afifi, Abdelaziz ibn Baz. Donc la réponse de Abdelaziz ibn Abdullah al-Rajihi. Oui, c'est correct, on ne le nomme pas croyant alors qu'il fait du polythéisme. Appelle-t-on croyant une personne qui fait du polythéisme? Une personne qui invoque un autre qu'Allah, c'est un polythéiste. Cependant, on ne lui applique pas la peine tant que la preuve ne lui est pas établie. Et un individu qui sacrifie des animaux pour des morts et qui invoque autre qu'Allah, l'appelle-t-on croyant alors qu'il fait du polythéisme? On ne l'appelle pas croyant, mais on le nomme polythéiste. Cependant, il faut impérativement lui établir la preuve avant de le tuer, avant de lui appliquer les jugements tels le fait de ne pas le laver lorsqu'il meurt et de ne pas prier pour lui. Il faudra impérativement lui établir la preuve. Mais on ne l'appelle pas croyant alors qu'il fait du polythéisme. Oui. Question. Et si je vois une personne ainsi? Car cela se trouve beaucoup, particulièrement au Maroc et en Algérie. Les gens adorent les tombes. M'est-il permis de dire qu'ils sont monothéistes et musulmans, car on ne leur a pas établi la preuve? Réponse. Non. Tu dis qu'ils sont polythéistes. Mais on ne les combat pas tant qu'on ne leur a pas établi la preuve. Celui qui fait du shirk, du polythéisme, ne se nomme pas croyant. Celui qui fait du polythéisme se nomme polythéiste. Mais on ne lui applique pas de sentence tant que la preuve ne lui est pas établie. Question. On m'a aussi dit qu'on l'appelle mécréant ignorant. Est-ce juste le shir? Hein? Le questionneur. On m'a dit qu'une telle personne, l'individu précis qui se prosterne pour un autre qu'Allah ou sacrifie pour un autre qu'Allah, se nomme mécréant ignorant jusqu'à ce que la preuve lui soit établie. La réponse. On le nomme polythéiste, mais il faut lui établir la preuve. On ne le combat ni n'applique sur lui la peine tant que la preuve ne lui a pas été établie. Oui. La source de la cassette en question, la réponse de Belgique posée au Cheikh Abdelaziz al-Rajihi, traduit par Abul Hassan Abdullah al-Belgiki.